Depuis que j'ai vendu le soleil, j'ai tout en froid aux orteils. Je nage dans une eau noire peuplée de milliers de cafards. Certains me trouvent stupide, d'autres cupides. Je regarde à travers les ténèbres s'il y a d'autres ténèbres. Et il y en a des amas, comme après une supernova, ébloui après tout s'en va. Depuis que j'ai vendu la lune, je ne sais que faire de ma fortune. Le jour, la nuit sont noirs, sous la mer glisse du désespoir. Je m'achète des palais, des femmes au sourire parfait, des souffleurs de ténèbres qui soufflent, soufflent les ombres. Et il y en a des amas, comme après une supernova, ébloui après tout s'en va. Depuis que j'ai vendu les étoiles, le ciel est à poil, quelques vieux satellites tourne autour de sa bite. Thank you.